son souffle froid va me manquer, ses bruits, ses paroles dans la nuit, toutes ses facettes rassurantes, tous ses sourires qui m'ont pris. Je ne dormirai plus en elle, dans le corps de cette ville endormie. Partant, tel un infidèle, je pars respirer d'autres aujourd'hui. Pourtant, je sais qu'elle est belle, qu'elle m'apporte chaque jour un peu plus. Pourtant, je sais qu'elle est celle qui m'a fait nager dans l'espace de ses rues, de ses portes, de son peuple qui m'enlace, me délace tous les jours et me dit: pourquoi tu te casses? Pourquoi tu te casses? Parce que l'île sans elle, c'est une île sans elle, et je peux plus m'envoler, bloqué dans l'île déserte, tout seul dans la foule multitude, foulant au hasard les ruelles, mourant tout en affrue. J'aime d'arjouer ma complainte dans les parcs, à la citadelle, si t'as des nouvelles d'elle. Mais l'île sans elle, c'est plus vraiment l'île, c'est plus vraiment ma ville. Elle a perdu sa couleur, celle que mes yeux veulent voir. Elle est dépeuplée soudain, anonyme, clandestine, et je ne reconnais plus le chemin en citadin qui décline. Et je me perds dans la vieille ville, le sacré cœur du poète en tête. Et je n'ai plus de mobile, plus de raison, plus d'horizon, plus d'horizon. C'est moi sans l'île, ou l'île sans elle. C'est moi sans l'île, ou l'île sans elle. Je m'éparpille à l'île sans elle. On m'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Je m'éparpille à l'île sans elle. On m'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Je m'éparpille à l'île sans elle. On m'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Je m'éparpille à l'île sans elle. On m'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Je m'éparpille à l'île sans elle. On m'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Je m'éparpille à l'île sans elle. M'avait pas prévenu que ça faisait ça quand une fille qui est même pas pour toi tourne le dos et s'en va. Tourne le dos et s'en va. Thank you.